Il y en a un qui va découper, c'est Guillermo Guise. Ah. Vas-y, énorme. Vas-y, découpe. Bonjour, bonjour les amis. Non. Ah, vous me connaissez un peu maintenant dans la vie de tous les jours. Je suis plutôt quelqu'un qui va mal. Et je fais des appels à l'aide pourtant dans cette émission, mais il n'y a jamais personne qui me tend la main, à part le père Albert, et uniquement pour placer la dite main dans mes zones calorifères. Sérieux, un jour on va retrouver mon corps un jour dans une pétromonarchie. Et Nagui commentera en disant je comprends pas. Il y a trois jours encore, je l'interrompais pendant une de ses chroniques. Il avait hyper bien pris. Qui aurait pu deviner? Toutes mes pensées vont à la famille de. Vous dites, il s'appelait comment? Gallardo. Dans quelle émission? Bref, pour paraphraser. L'endocrinologue pardon, italien Rollo Cifrepi, on n'a pas tous la chance d'avoir une grosse sérotonine, mais en plus on est en pleine période de déclaration fiscale et ça me casse le moral. Qu'on comprenne bien, moi, j'ai évidemment rien contre les impôts. L'autre jour j'ai regardé France 3, j'ai signé la pétition online oui aux taxes, non à texte, alors que d'habitude les jeux de mots dans les chroniques, ça me donne envie de crever dans une douzaine d'huîtres. Non vraiment, c'est un concept merveilleux. C'est tellement nul, ça. Tellement nul. Non. Mais c'est la seule que Leïla a comprise. Bref, c'est un concept merveilleux, la contribution collective. Je trouve que c'est un concept merveilleux, vraiment. Quand il y a un pot commun, par exemple, pour un cadeau d'anniversaire, moi, je suis toujours enthousiaste à l'idée de mettre ma part. Regardez la chemise de Daniel Morin, par exemple. On s'est tous cotisés pour lui offrir. Et il en est très content. La preuve, il la porte depuis octobre 2016. Mais c'est vrai, dans l'intérieur de son encolure, il y a 9 nouvelles espèces de mouches. S'il y a bien quelqu'un que personne voulait toucher pendant son sommet à Koh Lanta, c'est bien notre Daniel. Ouais, vraiment, ça, je vais vous le dire. Non, mais plus je paye d'impôts, moins mieux je me porte. Mais c'est l'acte administratif de remplir ma déclaration d'impôts qui m'oppresse. Vraiment, moi je crois que je préfère encore l'idée de me faire circoncire à 37-38 ans par un rabbin stagiaire qui en plus me gronderait en me disant: mais enfin, Ernesto, on vous avait déjà soustrait le prépuce. Ne me dites pas que j'ai pris le RR pour rien. C'est vrai, comme l'ancien secrétaire d'État Thomas Thévenoud, je suis atteint de phobie administrative. Thévenoud a carrément déposé le terme phobie administrative. On s'est croisés dans les bureaux de l'INPI. Moi j'étais là pour déposer l'expression diction dégueulasse. Il y avait Soprano aussi qui était là pour agression auditive. Enfin, on a sympathisé, mais pour de vrai, la paperasse, les factures et tout, ça m'angoisse. En fait, c'est trop adulte. C'est trop adulte pour moi. Et moi, je suis un enfant dans un corps d'adulte, en fait. Et pourtant, je viens d'un pays où on est généralement sur une tradition inverse. J'ai trouvé un remède à la phobie administrative. En fait, j'ouvre plus du tout mon courrier. Et ouais, c'est peut-être ma dernière chronique en tant que livre. La semaine prochaine, je vous enverrai un MP3 avec ça. Bonjour, les amis. Alors, comme vous le savez, je suis dans une prison de Bruxelles. En train de djihadiste et un fan du groupe partenaire particulier. Le moral est bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais blablabla, van sur Nagui, blablabla, van sur Daniel Morin, blablabla, bide. J'ai déménagé il y a un mois, c'est vrai, et on va dire que j'ai pas vraiment signalé mon changement d'adresse, du coup je reçois pas vraiment mon courrier. C'est vrai, ma nouvelle boîte de lettres, elle est vide. Et à chaque fois je passe devant, oh putain, un argument de Luc Ferry, etc. Enfin, il y a un truc de. Je suis un fantôme là pour le moment. Pour qu'on me retrouve, il faudrait vraiment que la police de Bruxelles écoute France Inter. Lol. Inter n'est plus en longues ondes, évidemment. Ah oui, à cause des problèmes du budget liés au salaire de Tanguy Pastureau qui dépasse désormais les 130 chroniques par semaine et empêche Radio France d'avoir un vrai rayonnement à l'international. Bravo Tanguy. Non, de toute façon, il n'y a plus rien à attendre du concept de boîte aux lettres en fait. C'est que des mauvaises nouvelles dans les boîtes aux lettres. Oui. Moi j'ai connu l'époque où tu pouvais espérer, je sais pas, moi trouver une espèce de lettre d'amour ou au moins une menace de mort, tu vois. Tu recevais une chauve-souris ou une balle avec le fameux si tu retouches à ma femme, la prochaine est pour toi. Enfin, il y avait un côté convivial, quoi, c'est vrai. Il y avait un côté convivial et c'est fini tout ça. Et franchement, moi, je suis pas prêt pour ce monde-là. Nagui, il faut vous préparer pour mon hommage. Allez, bonne émission.